Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Montrez-moi où est l'enveloppe. Montrez-moi où est la clé. Montrez-moi où est le rasoir. Montrez-moi où est le verre. Montrez-moi où est le crayon. Montrez-moi où est le téléphone. Montrez-moi où est la montre. Montrez-moi où sont les ciseaux. Montrez-moi où est le peigne. Montrez-moi où sont les lunettes. Montrez-moi où sont les lunettes.